ce grand monde il fait saliver, frère Maxime. Alors Paul Céleste dit, pas chambre douté, pas douté, ah frère Maxime. Bon Dieu côté où y est, bon Dieu côté où y est, Yahweh côté où y est, Yahweh côté où y est, Jésus côté où y est, Jésus côté où y est, côté voix petit tout cap chercher. Bon Dieu côté où y est, bon Dieu côté où y est, Yahweh côté où y est, Yahweh côté où y est, Jésus côté où y est, Jésus côté où y est, répond petit tout cœur rêvé. Bon Dieu m'nan grand, les grands, les grands, les comptes qui lèvent pour lui répondre chaque petite lit. Bon Dieu m'nan bon, les bons, les bons, les comptes tout ça qui bon pour le bail chaque petite lit. Bon Dieu m'nan grand, les grands, les grands, les comptes qui lèvent pour lui répondre chaque petite lit. Bon Dieu m'nan bon, les bons, les bons, les comptes tout ça qui bon pour le bail chaque petite lit. Pour qui ça va douter chaque fois qu'il y a un problème, pour qui ça va douter là où pas jouer une réponse. Ça va douter là où faut guérir, pas jamais décourager chrétien. Pour qui ça va douter là où pas gain l'argent, pour qui ça va douter là où pas joindre visa, pour qui ça va douter là où pas joindre travail, pas jamais perdre la foi. Mais tu fais n'importe maladie, pas jamais douter du puissant bon Dieu. C'est ça le café pour nous. Alors bon Dieu, pas jamais là. Bon Dieu côté où y est, bon Dieu côté où y est, Yahweh côté où y est, Yahweh côté où y est, Jésus côté où y est, Dieu côté où y est, bon Dieu côté où y est, Yahweh côté où y est, Yahweh côté où y est, Jésus côté où y est, Jésus côté où y est, répond petit tout cœur rêvé. Bon Dieu m'nan grand, les grands, les grands, les comptes qui lèvent pour le délivrer chaque petite lit. Bon Dieu m'nan bon, les bons, les bons, les comptes qui lèvent pour libérer chaque petite lit. Bon Dieu m'nan grand, les grands, les grands, les comptes qui lèvent pour délivrer chaque petite lit. Bon Dieu m'nan bon, les bons, les bons, les comptes qui lèvent pour libérer chaque petite lit. Pour qui ça va douter les satans derrière, pour qui ça va douter les malheurs, pas jamais décourager chrétien. Pour qui ça va douter les amis trahis, pour qui ça va douter chaque fois où sentir seul, pour qui ça va douter chaque fois où gain problème. Pas jamais perdu la foi. Oh, problème. Malouté. Parce que ou pas jouer une réponse. Malouté. Parce que ou pas qu'on guéri. Malouté. Parce que ou pas gain l'argent. Malouté. Parce que ou pas jouer une visa. Malouté. Parce que ou pas gain bel caille. Parole céleste. Parole.